بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, barakallahu fikoum, la lecture et le commentaire de ce livre, le chapitre de la fermeté sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tiré du Sahih al-Bukhari. Aujourd'hui, un nouveau sous-chapitre, al-babu thalith, le troisième sous-chapitre. Babu ma yukrahu min kathratis su'ali wa takallufi ma la ya'ni wa qawlullahi ta'ala la tas'alu an ashya'a in tubdalakum tasu'kum. Le sous-chapitre concernant les textes qui montrent le fait qu'il est détestable de poser beaucoup de questions et d'exagérer concernant ce qui ne nous regarde pas. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la tas'alu an ashya' in tubdalakum tasu'kum. Ne demandez pas, n'interrogez pas concernant des choses que si celles-ci vous sont montrées, alors cela vous fera du mal. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum fa asbahu biha kafirin. Oh vous qui avez la foi, ne demandez pas, n'interrogez pas concernant des choses qui, si elles vous sont montrées, cela vous fera mal. Et si vous interrogez concernant ces choses-là, alors que la révélation du Coran est faite, alors que le Coran est en train d'être descendu, alors cela vous sera montré. Allah tabaraka wa ta'ala afallahu anha, c'est Allah sait-tu concernant cela. Allah n'a pas abordé ce sujet-là. Alors pourquoi est-ce que vous allez l'aborder? Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Et donc, il y a des peuples d'avant vous qui ont interrogé concernant ces sujets-là, et à cause de cela, ils sont devenus incroyants. Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit dans le tafsir de ce verset, il nous dit « هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال في السؤال والتنقيب عنها لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم شق عليهم سماعها. Et donc il nous dit, nous Kathir rahimahullah, ici Allah tabaraka wa ta'ala éduque ses serviteurs croyants et il leur montre, il leur interdit le fait de demander concernant des choses qui ne sont pas profitables et de fouiller concernant ces choses-là, parce que ces choses-là, si elles leur sont montrées, alors cela va leur faire du mal et cela va, et il va leur être difficile le fait d'écouter et d'entendre ces choses. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah, dans ce sous-chapitre, il nous montre l'explication de ce verset et il va nous citer plusieurs hadiths ou plusieurs versions d'un hadith qui donc aborde cela. Il nous cite le premier hadith avec la chaîne de transmission donc qui monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. Il nous dit certes, les musulmans, ou du moins certes, ceux des musulmans qui commettent les crimes les plus graves, أعظم المسلمين جرما, الجرم, un crime. Donc aussi on a un péché. Ceux parmi les musulmans qui commettent les crimes les plus grands, les plus terribles, ce sont qui? Parmi les musulmans, il nous dit, ceux qui interrogent concernant des choses qui n'étaient pas interdites, et ensuite que ces choses sont interdites à cause de leurs questions. Parce que à cause de cette question, il va faire du mal à ses frères aux musulmans. J'avais cité déjà l'exemple la semaine dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à sa communauté Inna Allah farada alaykum al-hajj fa hajju. Certes, Allah ta'ala vous a rendu obligatoire le hajj, le pèlerinage, alors faites-le. Et là, un homme, il a posé la question, il a dit A kulla am ya Rasulallah? Est-ce que c'est chaque année, au messager d'Allah? Le messager d'Allah, s'il voulait dire que c'est chaque année, il l'aurait dit que c'est chaque année. Alors l'homme, il a répété A kulla am ya Rasulallah? Est-ce que c'est chaque année, au messager d'Allah? Le prophète s'est tu, oh messager d'Allah, est-ce que c'est chaque année? Il a répété encore. Le prophète qui lui dit, لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لِوَجَبَتْ وَلَمْ مَسْتَطَعْتُ. Il lui dit, si je dis oui, alors ça devient obligatoire et vous n'allez pas pouvoir le faire. Le hajj chaque année, on a du mal à le faire une fois. Une fois, c'est difficile. Vous imaginez le hajj chaque année? Et donc, il faut qu'on fasse attention aux questions que nous posons. Et donc, il y a clairement dans ce hadith le fait qu'il est interdit d'exagérer dans les questions. Il est exagéré dans les questions. Ensuite, l'auteur qui nous cite le hadith d'après, avec la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Zayd ibn Thabit, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ittakhadha hujratan fil masjidi min hasir. فَصَلَّ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسِ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامْ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les prières nocturnes, alors il avait pris un espace dans la mosquée où il priait avec les gens. Et les gens s'étaient rassemblés, ils priaient avec lui. Et ensuite, faqadu sawtahu. Il ne l'entendait plus. C'est-à-dire que le prophète ne venait plus. Alors, ils ont pensé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire du bruit. Ils ont commencé à faire du bruit pour le réveiller. Afin qu'il sorte, pour qu'il sache qu'eux, ils sont là, ça y est, on est là. Sors. Parce qu'ils ne veulent pas le forcer à sortir. Ils ne veulent pas dire, oh, messager d'Allah, sors. Par bon comportement. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont faire un petit peu de bruit entre eux. Comme ça, le prophète, il sait qu'eux, ils sont là. Ah, c'est bon, ils sont là, je vais sortir. Il n'y a pas besoin de lui dire, oh, messager d'Allah. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Mazala bikumu alladhi ra'aytu min sani'ikum. » Vous ne cessez de faire ce que je vous ai vu faire. « Hatta khashitu an yuktaba alaykum. » Il leur montre ici, jusqu'à ce que j'ai eu peur que cela vous soit rendu obligatoire. J'ai eu peur que cette prière nocturne vous soit rendue obligatoire. La prière ensemble, groupée. J'ai eu peur. C'est pour cela que j'ai délaissé cela. Voilà, kutiba alaykum ma kuntum bihi fa sallu ayyuha an-nas fi buyutikum. Et si cela vous serait rendu obligatoire, vous ne l'aurez pas fait. Alors il leur a dit, alors priez dans vos demeures. Sallu fi fa inna afdala as-salat. فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. Car la meilleure prière de l'homme est dans sa maison, sauf la prière obligatoire. Donc il y a dans ce hadith le fait, l'importance d'accomplir les prières surrogatoires à la maison. Il y a dans ce hadith l'importance de faire les prières obligatoires à la mosquée. L'importance, le fait que le musulman s'efforce, il s'efforce de faire le maximum de prières à la mosquée. Il y a dans ce hadith le fait de ne pas exagérer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a facilité par l'ordre de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah qui nous dit qu'il veut pour nous la facilité. Yuridullahu bikumul yusr. Il veut vous faciliter. Et donc la religion est facilité. Nous devons saisir cette facilité et ne pas exagérer. Le hadith d'après, selon Abi Musa al-Ash'ari, qui nous dit, Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ashiya karihaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant des choses qu'il a détestées. Falamma aktharu alayhi al-mas'alata ghadib. Alors lorsqu'ils ont posé beaucoup de questions, il s'est énervé. Il s'est énervé sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala saluni. Alors il a dit, interrogez-moi, demandez-moi. Alors un homme a dit, ô messager d'Allah, qui est mon père? Qui est mon père? Le prophète lui dit, ton père c'est Hudhaqa. Thumma qama akhar fa qala ya rasulallah man abi? Qala abuka Salim mawla Shayba. Un autre homme a demandé, ô messager d'Allah, qui est mon père? Ton père est Salim mawla Shayba. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. Alors lorsque Omar il a vu la colère qu'il y avait dans le visage du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit certes nous nous repentons à Allah عز وجل, c'est-à-dire nous nous repentons à Allah du fait de faire ce qui entraîne la colère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous repentons à Allah du fait d'énerver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith il a été rapporté dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim. Il y a encore dans ce hadith le fait qu'il est détestable, le fait qu'il est interdit de poser des questions dont il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. Et donc, il est important de comprendre ce sujet-là. Oui, nous devons poser des questions pour apprendre notre religion. Mais les questions inutiles, ou alors les questions pour montrer que le questionneur est incapable de répondre, ou du moins pour montrer que l'interrogé, pour montrer que celui qui est interrogé est incapable de répondre, alors cela est fortement blâmable dans notre religion. Dans une autre narration, la narration donc Ibn Abbas qui nous dit كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآية. Et donc Ibn Abbas qui nous dit رضي الله عنهما, et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, les gens l'interrogeaient en se moquant, استهزاء. Alors un homme disait qui est mon père, et l'autre homme disait, l'autre homme qui avait perdu sa monture, il disait où est ma monture. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur eux sa parole, ya ayyuhalladhina amanu in tas'alu an ashya'a in tubdalakum tasukum. Ô vous qui avez eu la foi, ne demandez pas concernant des choses que si elles vous apparaissent, alors cela va vous faire du mal. Il y a aussi dans ce hadith barakallahu fikum le fait que l'enseignant, il est bien aussi qu'il montre la colère sur son visage lorsque ses élèves en ont besoin. Les savants nous disent لِأَنَّ الْغَضَبْ يُؤَثِّرْ فِي الْقَلْبِ, car la colère a un impact dans le cœur. Voilà pourquoi souvent tu vas t'adresser à ton enfant, ne fais pas ça parce que tu vas te faire mal, ne joue pas avec le feu, tu vas te brûler, ne mets pas ton doigt dans la prise, tu vas te faire très mal. Il ne comprend pas, tu montes un peu le ton. Ne fais pas ça. Et là, tu vois que ça va l'aider à comprendre. Ah oui, là, il y a un danger. Là, il y a un danger. Parfois, on a besoin de faire ça même avec nos frères. Parfois, même avec nos frères, on a besoin de faire ça. Mais les gens, aujourd'hui, si tu te mets en colère, ils vont dire, ah, subhanallah, il s'est mis en colère. Allah, Allah, Moustan. Ah, non, lui, il n'a pas de science, ou je ne sais pas quoi. Comme si, sous prétexte que tu as de la science, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Ce n'est pas un hadith ou deux. Quand il y a une nécessité de se mettre en colère, il faut se mettre en colère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était jaloux pour la religion d'Allah. Il était jaloux pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le hadith d'après, donc selon le scribe de l'Mughira, qui dit كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةُ اكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب اليه انه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. Et donc ce hadith aussi rapporté dans Sahihain par Al-Bukhari et Muslim, donc le scribe de Al-Mughira qui nous dit que Muawiyah, donc Muawiyah qui était le gouverneur, il a demandé à Mughira de lui écrire ce qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le gouverneur ici qui est humble et qui va prendre la science de ceux dont il les gouverne. Alors, il a écrit, certes, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait, à la fin de chaque prière, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'a nul associé. Et à lui appartient la royauté et la louange lui revient. Et il est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation qu'il faisait après chaque salat, déjà il nous montre l'unicité. L'importance que même après ta salat, tu te rappelles que tes actes d'adoration, tu les fais lillah, pour Allah. Pas pour faire plaisir aux hommes. Tu fais tes actes d'adoration pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il nous dit, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana't. Oh Allah, personne ne peut donner, personne ne peut empêcher, ne peut priver ce que tu as donné. Et personne ne peut donner ce que tu as privé. C'est-à-dire que nous devons mettre notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. N'aie pas peur des êtres humains. Ce que Allah te donne, personne ne peut t'empêcher de le prendre. Et ce que Allah te prive, personne ne peut te le donner. Même si toute la terre se réunisse, personne ne peut te le donner. Parce que Allah, c'est lui qui décide. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on mette notre confiance en Allah Azza wa Jal. Souvent, il faut savoir, barakallahu fikoum, que at-tawakkul, c'est ce qui va, le fait de mettre ta confiance en Allah, c'est ce qui va dans ta foi te permettre d'accomplir des actes d'adoration. C'est ce qui va te permettre d'accomplir des actes d'adoration. Le fait que tu fasses confiance à Allah tabaraka, que tu mettes ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah il nous dit wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Il a lié la foi au fait de placer sa confiance en Allah, parce que les deux vont ensemble. Et c'est ce qui te permet de faire de bonnes actions. C'est ce qui te permet de faire la hijra, le fait de faire confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui te permet de faire tes prières à la mosquée. Tu vas donc chercher un travail qui te permet de faire tes prières à la mosquée, parce que tu fais confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on ait ça dans notre cœur. On sait pertinemment que Allah, c'est lui qui gère tout. C'est pas mon patron d'entreprise, c'est pas un tel, c'est Allah qui gère tout. Ce que Allah doit me donner, personne ne peut me le prendre. Personne. Et ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jaddu. Subhanallah. Parfois cette invocation, on peut la répéter, on la répète après chaque salat, on est là, on répète. Mais est-ce qu'on médite sur ce qu'on dit? Al-jaddu, le fait d'avoir une grande part, d'avoir beaucoup de. Et donc il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation, il dit à son Seigneur, celui qui a beaucoup de biens, qui a une grande part, tout ce qu'il a ne lui est pas profitable face à Allah. Tout ce qu'il a ne lui est pas profitable face à Allah. Et donc le plus important, barakallahu fikoum, c'est qu'on recherche la satisfaction d'Allah. Ce n'est pas que tu aies de l'argent comme un tel ou un tel ou un tel. Ce que le plus important, c'est que tu recherches la satisfaction d'Allah. Car les biens d'une personne ne lui sont pas profitables si cette personne n'a pas la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc le plus important, c'est la satisfaction de ton Seigneur. Et ensuite, wa kataba ilayhi annahu kana yanha an qila wa qala. Et ensuite, il a écrit, donc toujours Al-Mughira, il a écrit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait les on-dit, qila wa qala. Les on-dit, c'est interdit en islam les on-dit, vous savez les frères. Vous savez ces paroles que des gens vont venir. Et il paraît qu'un tel a fait ça. Et tu es au courant qu'un tel, il lui est arrivé telle chose, alors que c'est pas vrai. Et qu'on va propager, on dit, il paraît que, on dit, ils ont dit, il est dit que. Même parfois, les frères vont se réunir et ils vont parler comme ça. Sans réseau. Il paraît que. C'est interdit en islam. Le prophète, il a interdit cela. Nous devons avoir des preuves. Surtout si tu parles sur quelqu'un, tu dois avoir des preuves. Et donc il faut délaisser le qil wa qal, il faut faire très attention à ça, barakallahu fikoum, les rumeurs, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'accepter des informations sans les vérifier comme cela. Nous devons faire très attention. Et aussi, il a interdit le fait de poser beaucoup de questions. Et c'est pour cela qu'Al-Bukhari, rahimahullah, il a cité ce hadith dans ce sous-chapitre. Il a aussi interdit idha'at al-mal, le fait de gaspiller l'argent. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons faire attention à cela parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a poussé à zakat, le fait de donner de l'aumône. Et donc il nous parle de la zakat. Et ensuite, après nous avoir parlé de la zakat, il nous dit « Voilà, tout serifou !» Et ne gaspillez pas. Les savants du tafsir, ils ont abordé ça, ils ont dit « Comment ça se fait que Allah nous dit de ne pas gaspiller juste après nous avoir parlé de la zakat ?» C'est parce que même dans la zakat, tu ne dois pas gaspiller. Tu donnes quelque chose. Lillah, même dans ta zakat, tu ne dois pas gaspiller. Tu ne dois pas donner une... Donc, tu ne dois pas donner une zakat qui est trop... Donc, qui a trop de valeur et que cela fasse du mal à ta famille. Tu dois donner la zakat. Mais le fait que tu donnes ta zakat ne doit pas faire du mal à ta famille. Tu ne dois donc pas être injuste avec ta famille. Et aussi, et les savants, ils ont donné plein d'exemples sur cela, le fait de gaspiller dans la zakat. Ils nous disent, même dans les actes d'adoration, nous ne devons pas gaspiller. Alors, que dire du reste? Que dire du reste? Et aussi, il a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, wa kana yanha an uquq al ummahat. Il a interdit uquq, al-uquq avec les mères. C'est quoi al-uquq? C'est quoi al-uquq? On a déjà entendu uquq al-walidayn. C'est quoi les frères? Al-uquq. Personne qui veut me traduire al-uquq? Al-uquq al-walidayn, c'est quoi? Le mauvais comportement. Souvent, parfois, des gens vont traduire al-uquq par la désobéissance. Et si tu veux, la désobéissance, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que la désobéissance dans al-uquq. Dans al-uquq, il y a tout comportement qui n'est pas convenable envers les parents. Tout comportement qui n'est pas convenable. Tu sais que tes parents sont dans une situation financière difficile. Toi, tu as de l'argent. Mais tu ne leur donnes pas. Ils ne t'ont pas demandé. Tu n'as pas désobéi. Ils ne t'ont pas demandé. Et si ça se trouve, même si tu leur donnes, ils ne vont pas vouloir prendre. Tu n'as pas désobéi. Mais ça, ça fait partie de leur coq. Tout comportement qui n'est pas convenable envers les parents. Les savants les ont même cités comme exemple. Et aussi dans Sahih al-Bukhari, dans, pas dans Sahih al-Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, al-Bukhari nous montre aussi un autre exemple. Le fait que l'homme, lorsqu'il est avec son père et qu'il arrive à un endroit où ils doivent s'asseoir, qu'il s'assied avant son père. On arrive à table, tu viens, tu t'assieds avant ton père. Non. C'est d'abord ton père, il s'assied, il choisit sa place, et toi, en fonction de la place que ton père a choisie, toi, tu t'assieds. C'est pas toi, tu t'assieds en premier, puis tu lui dis, c'est bon, c'est mon papa, c'est toi où tu veux. C'est lui qui s'est fatigué pour toi quand tu étais petit pour amener à manger à la maison, et tu as ce comportement avec lui. Mais non, c'est lui qui choisit où il s'assied, et ensuite, toi, tu viens, tu fais en fonction. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre cela, wa jazakumullahu khairan. Wa wa'dil banat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit le fait d'enterrer les filles vivantes. Pourquoi? Parce que les arabes, durant la période anti-islamique, ils faisaient cela. Parce que ils avaient honte d'avoir une fille. Parce que avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme était dévalorisée. Mais c'était pas que chez les arabes, c'était partout. Même ici en France, comme on a déjà dit dans une khutbah, C'est récent le fait que les gens commencent à donner de l'importance à la femme. C'est récent. L'islam est venu et a montré les droits de la femme bien avant les lois des hommes. Bien avant les lois des hommes. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre cela. Et le dernier point qui est cité ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa man'in wa hat. Et il a interdit le fait de se priver et de dire hat. Hat, c'est-à-dire donne. De priver, d'empêcher et en même temps de dire donne. C'est-à-dire que la personne, elle ne donne pas. Elle ne donne pas. Mais par contre, elle demande. Elle ne donne pas en aumône. Elle ne donne pas de son temps. Elle ne va pas aider les autres. Mais par contre, dès qu'elle a un problème, donne. Donne. Et ça nous fait penser à quoi? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wailul lil mutaffifin. Malheur aux mutaffifoun. Hein, c'est qui les mutaffifoun? On a dit ceux qui ne donnent pas aux gens pleinement leurs droits et qu'eux, ils vont demander, ils vont exiger pleinement leurs droits. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dans son tafsir de ce verset, il a mis en garde qui? Les époux. Les époux qui demandent pleinement leurs droits. Par contre, est-ce que lui, il donne? Est-ce que lui, il fait ses devoirs? Hein? Il va être négligent à droite, à gauche. Et si elle fait une erreur, Mashallah, la maison elle saute. Si elle fait une erreur, la maison elle saute. Mais lui, combien? On ne compte plus les erreurs. On ne compte plus. Ça s'appelle un mutaffif. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Wailul lil mutaffifin. Malheur aux mutaffifoun. Et donc, il faut faire très attention à ça, les frères. Barakallahu fikoum. Qu'Allah Azzawajal nous préserve à tous de tout mal. Il est capable de toutes choses. On continue et on finit ce sous-chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa ardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.